C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you, you. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Le son dance floor. Take a lonely road, take a breath, waiting for a sign. Something that would give me hope, cause the curves make me feel so fine. Oh, I won't stop, my dreams are about you and I don't want to wake up now. Now I can't stop thinking of your body above me for the rest of the night. On démarre la journée ensemble en mode dance floor dans quelques secondes avec Zao et MHD, Alec Jarmis. Et c'est ce que je cache juste après ça sur Fun. Bienvenue. Fun. Fun Radio. Il est 6h sur Fun, on se réveille avec le tour de l'actu en ce mercredi 24 août 2016, signé Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. La phase 2 du plan chaleur est activée à partir d'aujourd'hui avec les températures qu'on annonce et qui devraient encore atteindre les 30 degrés. Une phase d'avertissement a été lancée par la cellule interrégionale de l'environnement. Il faut bien s'hydrater et être attentif si un proche présente les symptômes d'un coup de chaleur. Une fatigue anormale, des crampes musculaires ou une température corporelle en hausse sont autant de symptômes à surveiller. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, le plus grand danger est la déshydratation. Il faut leur proposer régulièrement de l'eau, jusqu'à 2 litres par jour, des fruits et des légumes frais, et éviter de se déplacer durant les périodes chaudes de la journée, à savoir entre 11h et 16h pour les jeunes et les adultes âgés. Le risque de déshydratation est un peu plus faible, mais il faut quand même boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Les personnes âgées doivent quant à elles rester évidemment dans des endroits bien frais et climatisés. Elles doivent boire et s'alimenter régulièrement face à la chaleur. L'envie de prendre une bonne douche glacée et de boire de l'eau très fraîche est omniprésente. Pourtant, cela risque de faire pire que mieux, cela provoque un choc thermique. Du coup, la chaleur augmente, résultat, on a encore plus chaud. Un numéro de téléphone info canicule a été créé à Bruxelles. N'hésitez pas à former le 02 775 75 75 pour plus d'informations. Dans le reste de l'actualité, les polices européennes ont arrêté 75 suspects dans 28 pays pour avoir partagé en ligne des images pédopornographiques. Une enquête sur plus de 200 dossiers appelée Daylight a vu le jour après la réception d'informations venues de Suisse sur un vaste réseau de diffusion d'images d'abus sexuels sur des enfants. L'enquête a duré plus d'un an à travers l'Europe. Les victimes se trouvaient dans une large échelle d'âge, mais les abus sexuels sur des enfants de moins de 18 mois sont malheureusement de plus en plus courants. En sport, la plus grande partie de la délégation belge, composée de 64 athlètes et membres de l'encadrement, est revenue en Belgique, de retour des Jeux Olympiques de Rio hier à l'aéroport de Bruxelles National. Pierre-Olivier Beckers, le président du comité interfédéral et olympique belge, ainsi que Charles Michel, le Premier ministre, ont tenu à remercier les athlètes pour leurs prestations. Dans une ambiance bon enfant où seules les familles et amis des athlètes étaient présents pour des raisons de sécurité, Charles Michel a également tenu à féliciter la Team Belgium. Médaillée d'or à l'heptathlon, Nafissa Toutiam a été accueillie telle une grande championne. La Namuroise a focalisé une grande partie de l'attention des médias à son retour de Rio. Fun Radio. Dans un instant, c'est David Guetta qui arrive côté sur Dance Floor pour bien démarrer la journée. Je vous cale également le petit duo Zao et MHD qu'on a découvert ici sur Fun Radio. Juste avant à 6h03, côté météo, qu'as-tu de prévu pour aujourd'hui, Jean-François ? Que des bonnes nouvelles entourent le temps restaurant soleil avec des maxima encore plus chauds qui seront compris entre 26 et 27 degrés en Ardennes et de 30 à 33 degrés dans les autres régions. Même type de temps pour vendredi et sans doute un beau week-end en perspective. L'été est donc loin d'être terminé. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 6h30 et tout de suite le retour du son Dance Floor sur Fun Radio avec Alex Jirmis. Fun Radio. Summer Fun, c'est du son dance floor. Du son dance et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trouble. Sometimes you just keep feeling the struggle. I know I took it upon myself. I can find a way to hide all the dreams I feel so far. Bon réveil sur Fun Radio, soyez les bienvenus à 6h07, c'est Zao et MHD que je vous cale sur Fun dans un instant. Laissez les coumas, laissez les coumas, laissez les coumas.

Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous écoutez Summer Fun. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Willy William, Chris Cab, c'est ce que je vous réserve dans un instant. Et puis c'est bientôt la rentrée scolaire dans moins de 7 jours, c'est le retour sur les bancs de l'école, l'occasion pour nous de vous gâter, surtout de vous envoyer vous détendre au terme de Grimbergen, c'est ce qu'on vous offre toute la semaine entre 6h et 9h et puis tous les après avec Audrey qui a fait son grand retour, vous l'avez remarqué, entre 17h et 20h. On vous envoie vous détendre avec votre soin pour deux personnes, accès au terme, massage ainsi que votre séjour. Cure détente de luxe pour deux personnes. Alors, le package, il est complet. Chambre pour deux personnes, petit-déj, massage, cure, et puis plein de bonnes choses qu'on vous offre. Ça se passe du côté du terme de Grimbergen. Alors, pour vous inscrire et tenter d'aller vous détendre justement là-bas, c'est très simple. Vous envoyez beauté par SMS au 6322 pour 1€ le message, en retrouvant d'ailleurs toutes les infos dès maintenant sur notre site funradio.be. Et vous allez voir, franchement, pour bien démarrer la saison, rien de mieux comme cadeau. On appelle là en l'une d'entre vous tout à l'heure d'ailleurs, aux alentours de 9h15. Bonne chance. La suite des Sun and Flowers avec Milo, Clean Bandit ou encore le duo Willy William et Chris Cabec, Paris sur Fun. Welcome. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam. Bon réveil sur Fun, 6h18. Ne bougez pas, Clean Bandit, c'est ce que je vous réserve dans quelques petites secondes sur Fun. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Et que va-t-il se passer au niveau de l'amour dans votre couple aujourd'hui? C'est ce qu'on va découvrir avec nos amis les Béliers. Que de bonnes choses pour vous aujourd'hui. Pour les Taureaux, une rencontre bouleversante illuminera votre journée. Patience les amis. Les Gémeaux, l'ambiance s'annonce torride pour votre couple. Les Cancers, et cherchez à faire de nouvelles rencontres. Cela pourrait s'avérer plus qu'intéressant. Pour les Lions, mettez du peps dans votre vie et offrez-vous du bon temps. Et les Vierges, complicité, c'est le mot d'ordre de votre journée dans votre couple. Les Balances, votre relation pèse de plus en plus. relâchez un peu la pression et tout ira bien, je vous le promets. Pour nos amis les scorpions, une belle journée s'annonce parce que vous êtes célibataire. L'amour n'est pas très très loin, alors un peu de patience. Les sagittaires, votre couple traverse une période difficile, mais avec de la patience, tout pourra s'arranger, j'en suis certain. Les capricornes, ne vous laissez pas submerger par le travail, cela risquerait d'avoir de lourdes conséquences. Pour nos amis les verseaux, une histoire amoureuse du passé pourrait refaire surface, alors étudiez bien cette opportunité, ça peut être vachement intéressant. Et puis nos amis les poissons, laissez vos problèmes professionnels de côté pour profiter au mieux de votre journée et mettre votre couple en avant. Et c'est ce qu'on pouvait dire au niveau de l'horoscope d'aujourd'hui. Vous vous reconnaissez dedans, bah n'hésitez pas évidemment à réagir avec nous par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Avancez à 6h19, c'est Clean Bandit sur Fun. They brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn up the light and now all that remains fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you want to put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get high and away from the shame of you. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me. On parle de rentrée scolaire aujourd'hui dans l'émission. Quel est l'outil indispensable que vous variez dans le plumier de votre enfant? Quel est, vous, votre souvenir d'école? On en parle aujourd'hui justement par SMS au 3044. Et côté sur Dancefloor, c'est le DJ Sigala qui arrive dans quelques petites secondes. Boosty, Feel Alone est également en programme. Juste avant, c'est Milo qui arrive juste après ça. Accrochez-vous! Oui, dans la radio! Salut, c'est Bruno. On fait l'appel? Christina présente! Karina! Mika! Et Anto du JPI! Présent! Rusher, présent frère! Meryl! Nicolas du Web! On est là! Fonf, je suis là aussi! Salut, c'est Louzman! Elliot! Et ouais, je suis là! Réveillez-vous avec l'appel de Vaché, le JPI, le choc des générations, le paiement de vos factures et du son Dance Floor. Dès le 29 août, Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Il faut qu'on soit des mecs en place. Il faut grave un correspondant. Mit Grossen Nishonen. Quoi? Et voici Sacha Bruggen. Je suis sûr que vous allez être les meilleurs amis du monde.

yet, meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Oh, howling at the moon. Oh, howling at the moon. Pas de panique, le son Dance Floor continue dans quelques secondes avec Imani et Don't Be So Shy et l'air petit Ellie Goulding. C'est ce que je vous cale juste après Sigala et Boosty sur Fun. Juste avant ça, il est 6h30, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. La phase 2 du plan chaleur est activée à partir d'aujourd'hui avec les températures qu'on annonce et qui devraient encore atteindre les 30 degrés. Une phase d'avertissement a été lancée par la cellule interrégionale de l'environnement. Il faut bien s'hydrater et être attentif si un proche présente les symptômes d'un coup de chaleur, une fatigue anormale, des crampes musculaires ou une température corporelle en hausse sont autant de symptômes à surveiller. Un numéro de téléphone info canicule a été créé à Bruxelles. N'hésitez pas à former le 02 775 75 75 75 pour plus d'informations. Aux États-Unis, la saga continue. Donald Trump a accusé hier sa rivale à la présidence, Hillary Clinton, de s'être adonnée à une forme de corruption digne du tiers-monde par le biais de la Fondation Clinton. La fondation caritative, qui a levé quelques 2 milliards de dollars depuis sa création, est assaillie de critiques des républicains qui l'accusent d'être un véhicule de trafic d'influence du couple Clinton. Ses détracteurs affirment que lorsque Hillary Clinton était chef de la diplomatie de 2009 à 2013, les donateurs étrangers, États, entreprises ou particuliers contribuaient à la fondation de façon à obtenir des faveurs de la secrétaire d'État et de l'administration américaine. Au moins 2 personnes ont perdu la vie dans le tremblement de terre de magnitude 6 survenu cette nuit vers 3h36 dans le centre de l'Italie. De nombreux dégâts sont également constatés dans diverses localités. Plusieurs petits villages ont été partiellement détruits. Des habitants sont toujours bloqués sous les décombres. L'onde de choc du tremblement de terre a été ressentie notamment dans les régions du Latium et des Abruzzes à Rome. Les bâtiments ont aussi tremblé pendant une vingtaine de secondes. En sport, la plus grande partie de la délégation belge, composée d'environ 64 athlètes et membres de l'encadrement, a fait son retour des Jeux Olympiques de Rio hier à l'aéroport de Bruxelles National. Pierre-Olivier Beckers, président du comité interfédéral et olympique belge, n'a pas manqué de remercier les athlètes pour leurs prestations. Dans une ambiance bon enfant, où seules les familles et amis des athlètes étaient présents pour des raisons de sécurité, le Premier ministre Charles Michel a quant à lui également tenu à féliciter la Team Belgium. Fun. Fun Radio. Dans un instant, côté son dance floor, c'est le titre de l'été, Illmani, Don't Be So Shy qui arrive. On va se faire plaisir avec Ellie Goulding et Sigala. Juste avant, est-ce que le plaisir sera au rendez-vous côté météo aujourd'hui, Jean-François? Tout à fait, Anto, le temps restera ensoleillé avec des maxima encore plus chauds qui seront compris entre 26 et 27 degrés en Ardennes et de 30 à 33 degrés dans les autres régions. Un petit peu de temps pour la fin de semaine et un beau week-end en perspective. L'été est donc loin d'être terminé. Prochain rendez-vous de l'info à 7h et tout de suite le retour du son dance floor sur Fun Radio avec Boosty. Fun Radio, jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non, j'ai pas une vie droite, mais pour

Vous êtes sur la route du boulot, des vacances peut-être si vous partez seulement. Vous avez choisi Fun Radio pour démarrer la journée et vous avez fait le bon choix. Avec dans quelques secondes une nouveauté qu'on vous fait découvrir ici sur Fun, le tout nouveau Parakeet, Save Me, c'est ce que je vous cale. Juste après Audrey et Carrie, on va s'écouter un petit extrait d'Audrey qui a fait son grand retour sur Fun Radio tous les jours entre 17h et 20h. Notamment de bonnes doses de délire, de sourire et de bonne humeur, c'est ce qu'elle vous offre entre 17h et 20h. Avec par exemple des sujets comme celui du permis de conduire. Vous connaissez évidemment le permis de conduire, c'est le truc que tout le monde a. La chose indispensable, le petit papier indispensable pour être autonome et pour vivre bien la belle vie. Franchement, je suis un peu en retard sur ça, je l'ai pas encore, donc j'ai du mal à en parler. Mais Audrey, elle a, et c'est une très mauvaise conductrice. Et vous allez voir, quand elle parle de permis de conduire, eh ben c'est le fou rire assuré. Écoutez. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que moi, aujourd'hui, je vis un grand jour, les gars. Ah. Ah, mets-moi une musique de super-héros, sans que je me mette dans l'ambiance. Voilà, ça, par exemple, c'est très bien. Ouh, prétentieux, ça, c'est Superman. Non, non, quand mais même. attends, parce que ça mérite la chanson de Superman pour la nouvelle que je vais vous dire. T'es les enceinte gars. Non, bah non, avec qui, le Saint-Esprit? Non, non, c'est pas ça. Mais j'ai mieux que ça. J'ai récupéré mon permis. Ça y est, I come back. Attends. Je suis là sur les routes. Soit mieux. Laisse-la, voilà. Mais non, les gars, ça faisait mois et demi que j'avais plus mis mes fesses dans une voiture au volant, ça y est. Ok, Wouh. Avis à la population de Charleroi et de Bruxelles. Si vous avez des enfants, si vous êtes vous-même piéton, faites attention, évitez les trottoirs, les rues, en période où Audrey conduit, au fait. Alors que je suis très bonne conductrice, jusque oui, voilà. Bah oui, c'est pour ça qu'on t'a enlevé ton permis, quoi. Alors dans la phrase, tu enlèves conductrice. Non, mais c'est pour ça, ils ont compris, ils ont discuté. Nous, mademoiselle, c'était une erreur, on va vous le rendre tout de suite, voilà. Oh donc, là, un mois et demi de retrait, mais ça y est, maintenant je suis de retour, donc je suis heureuse, je suis happy, voilà, je vais vivre une bonne journée. Putain. Eh ouais, j'ai pu venir en voiture à la radio. J'ai peur. Fini. Je te jure, j'ai peur. Pourquoi? Mais parce que. Tu trouves vraiment. Allez, sérieusement, arrêtez la vanne. Vous trouvez vraiment que je conduis mal? Ah oui. Ah merci, c'est gentil. Regarde l'état de ta voiture. J'y peux rien, s'il y a des pigeons qui viennent se suicider sur mon capot, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ouais, la dernière fois que j'étais avec toi en bagnole, il y avait un rond-point. Ouais. Ok. Il n'y a plus de rond-point maintenant. T'es passé tout droit. Ouais. En disant oups, hop, je savais pas. Tu vois des plots dans la rue, tu les prends. Genre, tu les touches. Ouais, exprès. C'est vrai. Non, c'est vrai, je suis maladroite, mais j'essaye de faire attention en tout cas. Yeah, l'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. J'adore Cole de dire qu'elle est maladroite. En tout cas, c'est pire que maladroite. Audrey, je te fais des bisous. Et on la retrouve évidemment tout à l'heure entre 17h et 20h. Avant ça, c'est le groupe Electro House français qui vient de se faire connaître en Russie, qu'on découvre sur Fun Radio ici. De Parakeet, Save Me, c'est ce que je vous balance à 6h56 ce matin sur Fun. About to land. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Afraid to run, I'm scared without my change. Please. please, no freedom. Please leave me again. Save me, save me. Je vous rappelle qu'on vous offre votre séjour et vos 100 en termes de Grimbergen pour tenter votre chance très simple. Vous envoyez beauté par SMS dès maintenant au 6322 pour 1€ le message dans quelques secondes. Et c'est Cheat Code et Sex qui arrive côté son dance floor sur Fun. Et c'est juste après ça. Fun Radio. Il est 7h sur Fun Radio, on s'informe en ce mercredi 24 août 2016 avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. La saga continue aux États-Unis. Donald Trump a accusé hier sa rivale à la présidence Hillary Clinton de s'être adonnée à une forme de corruption digne du tiers-monde par le biais de la fondation Clinton. La fondation caritative qui a levé quelques 2 milliards de dollars depuis sa création est assaillie de critiques des républicains qui l'accusent d'être un véhicule de trafic d'influence du couple Clinton. Ses détracteurs affirment que lorsqu'Hillary Clinton était chef de la diplomatie de 2009 à 2013, des donateurs étrangers, états, entreprises ou particuliers contribuaient à la fondation de façon à obtenir des faveurs de la secrétaire d'État et de l'administration américaine. En Italie, au moins 2 personnes ont perdu la vie dans le tremblement de terre de magnitude 6 survenu cette nuit vers 3h36 dans le centre du pays. De nombreux dégâts sont également constatés dans diverses localités. Plusieurs petits villages ont été partiellement détruits. Des habitants sont toujours bloqués sous les décombres. L'onde de choc du tremblement de terre a été ressentie notamment dans les régions du Latium et des Abruzzes. À Rome, les bâtiments ont également tremblé pendant une vingtaine de secondes. Chez nous, la phase 2 du plan chaleur est activée à partir d'aujourd'hui avec les températures qu'on annonce et qui devraient encore atteindre les 30 degrés. Une phase d'avertissement a été lancée par la cellule interrégionale de l'environnement. Il faut bien s'hydrater et être attentif si une personne proche présente des symptômes d'un coup de chaleur, une fatigue anormale, des crampes musculaires ou une température corporelle en hausse sont autant de symptômes à surveiller. Un numéro de téléphone info canicule a été créé à Bruxelles. N'hésitez pas à former le 02 775 75 75 pour plus d'informations. L'idée d'une réforme de l'impôt des sociétés avancée par le ministre des Finances Yann Van Overvelde fait son chemin. Une option à l'étude est une baisse graduelle jusqu'à 20% d'ici 2020 qui pourrait être compensée par une hausse du précompte immobilier. Pour financer la baisse de l'impôt des sociétés, plusieurs pistes sont envisagées, soit l'augmentation du précompte immobilier sur les dividendes de 27 à 30%, soit la suppression de la déduction des intérêts notionnels. En outre, il est envisagé de rendre moins avantageux le système d'amortissement pour les entreprises. Deux petits mots de sport pour conclure. En football, 5 équipes ont validé leur ticket pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Leur débarrage retour hier soir, le FC Porto, le Celtic Glasgow, Monaco, Ludogorets et le Legia Varsovie. Après avoir concédé un partage à l'aller, le FC Porto a réussi à s'imposer 0-3 à la Roma, fort d'un avantage de 2 buts glanés à l'extérieur la semaine dernière. Le Legia Varsovie, entraîné par Besnik Azi, l'ancien entraîneur d'Anderlecht, s'est qualifié pour les poules de la Ligue des Champions. Les Monégasques ont quant à eux confirmé leur victoire 1-2, obtenue la semaine passée en s'imposant une nouvelle fois contre les Espagnols de Villarreal. Un mot de tennis pour conclure, pour vous dire qu'Isaline Bonaventure s'est qualifiée pour le deuxième tour des qualifications pour l'US Open. La liégeoise, 162e joueuse mondiale, a battu la Serbe Nina Stojanovic, 195e joueuse mondiale en 3-7. Elise Mertens et Anne-Sophie Mesdag sont également qualifiées pour le deuxième tour de ces qualifications.

smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend, give each other different names. Et si on se réveillait ensemble sur Fun Radio à 7h14? Avec le meilleur du son dance floor, évidemment, toute la journée sur Fun Radio, avec notamment dans quelques petites secondes le duo Calvin Harris et Rihanna, This Is What You Came For, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps de vous rappeler, les amis, que j'ai du cadeau pour vous offrir toute la semaine. Je vous envoie vous relaxer, vous détendre au terme de Grimbergen. Dans moins de 7 jours, c'est déjà la rentrée scolaire. Ça va être le retour de la crèche, des enfants en cours, de vous peut-être au boulot si vous avez profité de 2 mois de vacances. Eh bien, Fun Radio propose de vous détendre et de vous permettre de vous relaxer avant justement cette période un peu particulière. Je vous envoie du côté des termes de Grimbergen pour vous offrir vos soins pour 2 personnes, accès au terme, massage et même peut-être votre séjour cure printemps de luxe qu'on vous offre. Alors, le package est complet. Vous avez votre chambre supérieure, petit déjeuner, massage et soins, tout compris. Alors pour tenter votre chance pour repartir au terme de Grimbergen, vous envoyez le code beauté par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et franchement, rien de mieux pour décompresser avant de redémarrer la saison. Toutes les infos dès maintenant sur funradio.be. Dans quelques petites secondes, c'est le club buzz du jour. Je vous parle aujourd'hui de choses que l'on peut acheter et qu'on ne connaît pas réellement. Car oui, parfois, lorsqu'on fait un achat, on a des belles surprises, parfois plutôt originales. Vous allez voir, c'est le club buzz du jour. On aura également l'anniversaire du jour. Vous avez envie de souhaiter un bon anniversaire à l'un de vos proches, de passer ici à l'antenne sur Fun Radio. Comment ça se passe? Comment, eh bien, vous faites pour venir, passer ici en direct avec nous à l'antenne de Fun Radio? Et c'est très simple, écoutez. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Il est quand même très bien cet hôtel avec vue sur la mer, hein? Ouais, pas mal. Tiens, passe-moi les jumelles. Moi aussi, j'ai envie de voir la mer. Ouais. Tu veux le coquillage aussi, pour pouvoir l'entendre? One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Ici la voix. Secret Story est de retour. Soyez les bienvenus dans Secret Story. À partir de vendredi, 23h50, sur Plug RTL. C'est tout pour le moment. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Time. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Et 7h20 sur Fun, bon réveil. Camille me l'a demandé par SMS au 3044. Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada. C'est ce que je vous réserve dans quelques petites secondes. Et c'est juste après ça. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Un Club Buzz qui parle d'art aujourd'hui. Car c'est vrai que ça arrive de se rendre dans des brocantes, sur internet ou encore sur des sites de deuxième main pour trouver des petites choses sympas à acheter. Et bien c'est ce qu'a fait notre ami Yann Stark, qui est un Belge et qui a voulu, eh bien justement, faire un petit tour sur le site de deuxième main. C'était en novembre dernier. Et là, il se rend compte qu'un tableau qui est mis en vente pas très cher peut ou pourrait être un tableau d'un peintre super connu. Il s'agit du peintre Wim Koning, qui a été un peintre connu dans les années 20 et qui a séjourné ici à Molenbeek-Saint-Jean avant de repartir aux États-Unis. Et donc en cherchant un peu plus d'informations sur ce peintre, il se rend compte que finalement, eh bien, ce tableau peut valoir quand même des milliers d'euros, et même plus que des milliers d'euros. La valeur réelle de ce tableau vaut 100 000 euros alors qu'il lui l'a racheté 450 euros. Alors vous imaginez, une fois sur place, le gars, il se rend compte que le vendeur le vend 450, ne sait pas que ce tableau est réellement très connu, eh bien il se dit, voilà, c'est une offre en or, j'ai du flair, c'est génial. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, ce genre de truc? Je me rappelle que sur les brocantes, ça arrive parfois quand tu fais le tour avec tes parents, mais que t'as la même chose, mais au niveau des fringues, au niveau des livres, même des DVD, tu te rends compte que le gars, il vend son objet 1, 2, voire 3 euros, et au final, il peut encore valoir très très très très cher. Ça arrive aussi au niveau des BD, vous voyez les BD de, par exemple, de Tintin, qu'on a trouvé, des BD un peu originales qui datent des années Hergé. Et bien maintenant on peut les revendre jusqu'à presque 70 000 euros, alors qu'au final on les a achetés 20, 30, 50 voire 100 euros ici il y a quelques années. Et donc les brocantes, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez vous retrouver pour avoir du flair et pour retrouver évidemment plein de petites infos. En tout cas, Yann, il a eu du flair, je trouve ça plutôt sympa. Vous avez eu, vous, la même chose que Yann? Vous réagissez dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, ou encore plus simple via la page Facebook de l'émission, la page Summer Fun, sur laquelle vous retrouvez le petit article sur lequel on découvre, eh bien, toute l'actu de notre ami Yann. Dans quelques secondes, on continue à parler d'actu car ce sera le flash de 7h30. On aura également, côté son dance floor, Sound of Legend, c'est leur tout nouveau titre que je vous cale juste après Soprano et le diable ne s'habille plus en Prada, le tout juste après ça. Jean, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive plus à dormir. Mais lève-toi alors. Yes. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais de votre supermarché. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très waouh. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. I see the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone. You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey, hey, hey,

Explore continue dans quelques secondes avec Kera et Streffy, Justin Timberlake sur Fun. Comme toutes les lumières, on s'informe sur Fun Radio avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Le bureau du quotidien américain de New York Times à Moscou a été visé par des hackers, soupçonnant la Russie d'être l'instigatrice de cette cyberattaque. Les pirates informatiques n'ont visiblement pas réussi à pénétrer dans les systèmes du journal. La police fédérale américaine, mieux connue sous le nom de FBI, enquête sur l'incident. La police américaine enquête également sur des incidents de piratage visant les bureaux électoraux du Parti démocrate mis en lumière le mois dernier, juste avant la convention qui a nommé Hillary Clinton comme candidate présidentielle. La campagne de Clinton et des analystes informatiques extérieurs ont pointé du doigt la Russie comme responsable, mais le gouvernement américain ne l'a quant à lui pas encore fait publiquement. Moscou a de son côté nié complètement les accusations. Chez nous, la phase 2 du plan chaleur est activée à partir d'aujourd'hui avec les températures qu'on annonce et qui devraient encore atteindre les 30 degrés. Une phase d'avertissement a été lancée par la cellule interrégionale de l'environnement. Il faut bien s'hydrater et être attentif si un proche présente les symptômes d'un coup de chaleur, une fatigue anormale, des crampes musculaires ou une température corporelle en hausse sont autant de symptômes à surveiller. Un numéro de téléphone info canicule a été créé à Bruxelles. N'hésitez pas à former le 02 775 75 75 pour plus d'informations. Les tensions entre Wallons et Flamands existent et si beaucoup de personnes la regrettent, cette info ne va pas arranger les choses. On apprend en effet ce matin que le nombre d'élèves Wallons qui choisissent d'apprendre le néerlandais à l'école a reculé de 10% en 4 ans. Selon les derniers chiffres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les élèves Wallons n'étaient que près de 15 000 à suivre des cours de néerlandais à l'école l'année passée, contre un peu plus de 22 500 qui avaient opté pour l'anglais. Or, ils étaient encore un peu plus de 16 000 à choisir le néerlandais en 2012, soit une baisse de près de 10% en 4 ans. En revanche, l'apprentissage du français est obligatoire pour tous les élèves en région flamande. C'est désaffection pour le néerlandais. Elle s'explique par le fait que le néerlandais est absent des médias francophones, mais aussi par un sentiment du rejet du voisin flamand. L'idée d'une réforme de l'impôt des sociétés avancée par le ministre des Finances, Jan van Overdevelde, fait son chemin. Une option à l'étude est une baisse graduelle jusqu'à 20% d'ici 2020 qui pourrait être compensée par une hausse du prix compte immobilier. Pour financer la baisse de cet impôt des sociétés, plusieurs pistes sont envisagées, soit l'augmentation du prix compte immobilier, soit la suppression de la déduction des intérêts notionnels. En outre, il est envisagé de rendre moins avantageux le système d'amortissement pour les entreprises. Un petit mot de sport pour conclure, pour vous dire que la plus grande partie de la délégation belge, composée d'environ 64 athlètes et membres de l'encadrement, fait son retour des Jeux Olympiques de Rio hier à l'aéroport de Bruxelles National. Pierre-Olivier Beckers, président du COIB, n'a pas manqué de remercier les athlètes pour leurs prestations. Dans une ambiance bon enfant où seules les familles et amis des athlètes étaient présents pour des raisons de sécurité, le Premier ministre Charles Michel a également tenu à féliciter l'ensemble de la délégation belge. Fun Radio. Dans quelques petites secondes, retour de son dancefloor sur Fun Radio avec Mom et Aloha, direction des vacances. On aura également la belle et talentueuse Era Estrefi, Cassius, que je vous cale dans quelques petites secondes. Juste avant, tour sur la météo. Que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui, Jean-François? Le temps va rester ensoleillé avec des maximums encore plus chauds qui seront compris entre 26 et 27 degrés en Ardennes et de 30 à 33 degrés dans les autres régions. Même type de température pour et même type de temps pour la fin de semaine et même le week-end. L'été est donc loin d'être terminé. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 8h et tout de suite, c'est le son dancefloor sur Fun Radio avec Justin Timberlake. Fun. Fun Radio. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we. Le son dance floor. Dance floor. Où que vous soyez, vous avez choisi d'écouter Fun Radio ce matin, je peux vous le dire. Vous avez fait le bon choix car dans quelques secondes, c'est la belle Erase Trefi que je vous balance sur Fun. Avec son titre Bonne Bonne. Juste avant ça, Mélanie, 25 ans, qui habite Liège, est avec nous par téléphone. Salut Mélanie. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? C'est bien à vous. Alors, très très bien. Écoute, tu nous appelles ce matin parce que tu as envie de souhaiter un bon anniversaire à ta pote Meredith qui fête aujourd'hui ses 26 ans. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Je te propose que dès qu'elle est là, tu lui souhaites. Oui, allô. Bon anniversaire, ma chérie. C'est Mélanie, ça va? Merci, ça va et toi? On est sur Fun Radio. Ah, vous êtes fous. Et Meredith, toute l'équipe de Summer Fun se joint à moi pour te souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire. 26 ans, ça se fête, Mélanie, l'occasion de le faire en direct ce matin sur Fun Radio. Qu'est-ce que tu as prévu de beau pour cette journée un peu spéciale? Un petit repas en famille, tout simplement. Tu vas faire quoi? Un petit repas en famille. Un repas en famille. Bah, écoute, j'espère que tout se passera bien. Que, bah, évidemment, cette journée sera ensoleillée. En plus, je pense que Jeff nous l'a annoncé, le soleil est plutôt pas mal. Je vous fais des bisous, les filles, en tout cas. Et puis, à très bientôt. Des bisous, Mélanie. Des bisous, Meredith. Et puis, on vous retrouve évidemment très bientôt ici sur Fun Radio. Vous avez envie, vous, qu'on souhaite l'anniversaire d'un proche en direct à l'antenne? Comment ça se passe? C'est très simple. Vous envoyez un petit SMS au 3044 pour 50 centimes SMS. Et puis, moi, je vous rappelle, juste après, Mo Malo, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, c'est Ray Strifi et Bonne Bonne à 7h44 ce matin sur Fun. Direction la plage, les doigts de pied en éventail. C'est ce que je vous propose dans quelques secondes avec Mo et Aloha sur Fun Radio à 7h46. Et puis parce qu'on est trop bon, on a un deuxième anniversaire ce matin. Elle s'appelle Alexandra, elle habite du côté de Herve. Comment ça va bien Alexandra ce matin? Oui, ça va, merci. Ça va? Il faut juste que tu coupes bien ta radio derrière toi pour pas qu'il y ait d'écho. Ah, d'accord. Alors voilà. Alexandra, aujourd'hui on va souhaiter l'anniversaire de ton frère qui s'appelle Loris et qui fête ses... rappelle-moi, 21 ans. Oui, 21 ans, oui. 21 ans.

on when you're lonely. Said you got some things to show me. Give it to you how you want it. Then the cheese eggs in the morning. You got a smile that's hard to miss. With a booty so fat, make it hard to sit. I got bands like the parliament. Treat your body like a brick, it ain't hard to flip. I whip it real good. Whip it real good. Your man can't do it like I could. Leave that boy missing like Bigfoot. Jump in, we about to take off. And the rim's so clean, but the leather so soft. Let your hair down the coupe. Got no top. The party don't stop. We do what we want. Oh, yeah. Soyez les bienvenus sur Fun, il est presque 8h. J'ai une bonne nouvelle pour vous les amis, la rentrée scolaire c'est dans moins de 7 jours. J'ai pour vous des packs relaxation, allez vous détendre avec vos soins et vos séjours au terme de Grimbergen. Ça a gagné tous les matins entre 6h et 9h. Alors le pack est complet, vous avez vos massages, vous avez votre séjour peut-être également à gagner pour deux personnes avec une chambre, petit déjeuner et massage en plus. Pour tenter votre chance, envoyez beauté par SMS au 6322 pour 1€ le message. Côté son dance floor, c'est le Carolo Kid Noise qui arrive sur Fun avec son nouveau titre Ocean. Moscow was amazing last night. I never closed a door. Behind me something more. The day I stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. Ooh. I fly the part of empty sky. Japan is my new direction. Ooh. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for Ooh. You. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. Merci de démarrer votre journée sur Fun Radio. DJ Antoine, Kiv, Drake, Koons, c'est tout ce que je vous réserve dans quelques secondes côté son dance floor, ainsi que de Chainsmokers et Daya, Don't Let Me Down, et c'est dans un instant. Fun Radio. Fun. Fun. Juste avant ça, il est 8h01, debout tout le monde. On s'informe en ce mercredi 24 août 2016 avec le seul, l'unique, le retour de notre Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Le bilan est provisoire et diffère selon les sources, mais au moins 6 personnes ont perdu la vie dans le tremblement de terre de magnitude 6 survenu cette nuit, un peu après 3h30 dans le centre de l'Italie. 2 personnes ont été tuées dans l'écroulement de leur habitation à Pescara. Plusieurs autres villages ont été partiellement détruits et plusieurs habitants étaient bloqués sous les décombres. L'onde de choc de ce tremblement de terre a été ressentie dans plusieurs régions. À Rome, les bâtiments ont tremblé pendant une vingtaine de secondes. Plusieurs répliques ont suivi ce séisme, dont une de magnitude 3,9 dans la province de Pérouse et une autre de magnitude 5,3 ressentie vers 4h30 dans la capitale italienne, faisant trembler le palais de la ville éternelle. Un précédent séisme de magnitude 6,3 également ressenti en pleine nuit dans la capitale italienne avait fait plus de 300 victimes dans la région de L'Aquila dans le centre de l'Italie en avril 2009. Le bureau du quotidien américain The New York Times à Moscou a été visé par des hackers soupçonnant la Russie d'être l'instigatrice de cette cyberattaque. Les pirates informatiques n'ont visiblement pas réussi à pénétrer dans les systèmes du journal. La police fédérale américaine, mieux connue sous le nom de FBI, enquête sur l'incident. La police américaine enquête également sur des incidents de piratage visant les bureaux électoraux du Parti démocrate mis en lumière le mois dernier, juste avant la convention qui a nommé Hillary Clinton comme candidate présidentielle. La campagne de Clinton et des analystes informatiques extérieurs ont pointé du doigt la Russie comme responsable. Mais le gouvernement américain ne l'a quant à lui pas encore fait publiquement. Moscou a de son côté nié les accusations. Les tensions entre Wallons et Flamands existent et si beaucoup de personnes le regrettent, cette info ne va pas arranger les choses. On apprend en effet ce matin que le nombre d'élèves Wallons qui choisissent d'apprendre le néerlandais à l'école a reculé de 10% en 4 ans. Selon les derniers chiffres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les élèves Wallons n'étaient que près de 15 000 à suivre des cours de néerlandais à l'école l'année passée, contre un peu plus de 22 500 qui avaient opté pour l'anglais. Or, ils étaient encore plus de 16 000 à choisir le néerlandais en 2012, soit une baisse de près de 10% en 4 ans. En revanche, l'apprentissage du français est quant à lui obligatoire pour tous les élèves en région flamande. La désaffection pour le néerlandais s'explique par le fait que le néerlandais est absent des médias francophones, mais aussi par un sentiment de rejet du voisin flamand. Deux petits mots de sport pour conclure, pour vous dire qu'en football, 5 équipes ont validé leur ticket de la phase de poule de la Ligue des Champions. Leur débarrage retour hier soir, le FC Porto, le Celtic Glasgow, Monaco, Ludogorets et le Legia Varsovie. Le Legia Varsovie de l'ancien coach d'Anderlecht Besnik Azi et de Vadis Ojija qui était titulaire s'est qualifié pour ses poules de la Ligue des Champions. Enfin en tennis, Isaline Bonaventure s'est qualifiée pour le deuxième tour des qualifications pour l'US Open. La liégeoise, 162e joueuse mondiale, a battu la Serbe Nina Stojanovic, 195e joueuse mondiale en 3-7. Elise Mertens et Anne-Sophie Mesdak sont également qualifiées pour le deuxième tour de ces qualifications. Fun, Fun Radio. Dans quelques secondes sur Fun Radio, c'est Drake et Kungs que je vous cale côté Sunday Floor. Juste avant, Jean-François, côté météo, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui? Rien que des bonnes nouvelles, Anto. Le temps va rester ensoleillé avec des maxima encore plus chauds qui seront compris entre 26 et 27 degrés en Ardennes et de 30 à 33 degrés dans les autres régions. Même type de temps pour les prochains jours et un beau week-end en perspective. L'été est donc loin d'être terminé. Le prochain rendez-vous d'info à 8h30 et tout de suite, c'est le retour du son Dance Floor sur Fun Radio avec les Chainsmokers. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Summer Fun. Don't let me down. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Quoi de mieux pour entamer la journée du bon pied qu'écouter Fun Radio les amis, les 8h08, j'espère que tout se passe bien pour vous. Dans quelques secondes, c'est le nouveau Kungs qui arrive avec son titre Don't You Know. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue si vous débarquez sur Fun Radio, où que vous soyez en Belgique, Liège, Namur, Mont, Soigny, Tournai, Verviers, vous êtes sur Fun Radio et je peux vous le dire, vous avez fait le bon choix. Comme à chaque heure, comme chaque jour, on démarre avec l'éphéméride du jour. Nous sommes déjà, oui, le mercredi 24 août 2016. On est déjà presque, bien sûr, à la fin de l'été. L'année scolaire redémarre la semaine prochaine. 237e jour de l'année, 34e semaine déjà qui est entamée. Bonne fête à vous les amis si vous vous appelez Bartholomé ou encore Nathanaël aujourd'hui. Et puis des stars sont nées ce mercredi 24 août. On pense évidemment au musicien et compositeur Jean-Michel Jarre qui fête ses 68 bougies aujourd'hui, ainsi qu'à l'humoriste et acteur que vous connaissez et que franchement j'adore, Alex Lutz, que vous connaissez pour les capsules Catherine et Liliane de Canal+, notamment, qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. Lui, il fête ses 38 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à vous également si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Et puis si vous avez envie de passer à l'antenne pour souhaiter un bon anniversaire, ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes les SMS. Voici Kungs à 8h09 sur Fun. The only thing I want is to taste of your heart. Hey, I'm going. 8h12, vous êtes sur Fun Radio, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Ça va bien se passer parce que la semaine prochaine c'est la rentrée scolaire. Mais d'ici là on vous offre vos packs relaxation avec vos soins et vos séjours au terme de Grimbergen. Un beau cadeau pour bien démarrer l'année. Alors pour tenter votre chance, très très simple, vous envoyez le code beauté par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et un séjour, deux personnes avec chambre et petit déjeuner, tout ça est gagné. Alors bonne chance, appelle-en l'une d'entre vous aux alentours de 8h15. Juste avant, c'est Drake et One Dance pour se réconforter sur Fun. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. J'ai du cadeau pour vous dans quelques secondes. Et puis un cadeau qu'on sait ce matin, évidemment, Kinvé, celle qu'il te faut, c'est son tout nouveau et c'est ce que je vous offre dans quelques secondes. Le temps de jouer comme chaque jour au Battle Fun Express. Le principe très simple, vous allez devoir retrouver le nom de l'artiste ou encore le titre eh bien, de ce morceau qu'on vous a modifié. C'est Étienne, notre réalisateur, qui s'est amusé à ralentir, à accélérer, modifier la voix de ses tubes. Et vous allez voir, pour remporter vos deux places de ciné, il vous suffit de retrouver donc le nom de l'artiste ou encore le titre de ce tube. C'est plutôt simple, écoutez. Avec des indices, c'est un DJ français. Son nom commence par 3 lettres, il cartonne à chaque fois qu'il fait un tube, il est beau gosse, ça c'est peut-être un indice qui peut vous aider. Et puis surtout, attention, l'indice de fou, c'est le meilleur ami de Patrick l'Étoile de Mer. Si là je vous donne pas la réponse les amis. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez tout ça dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Côté son dance floor, c'est Kinvé qui arrive dans quelques secondes, ainsi que DJ Antoine et Welcome to Saint-Tropez sur Fun. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm.

Dans un instant, retour du son dance floor sur Fun avec le duo Dero et Elvis Crespo. Je vous cale également mon coup de cœur du moment, Mo, la danoise qui cartonne pour le moment avec Final Song. C'est ce que je vous cale dans un instant. Juste avant, côté météo, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui, Jean-François? Eh bien, du soleil comme hier, avec encore des températures plus chaudes qui vont être comprises entre 26 et 27 degrés en Ardennes et de 30 à 33 degrés dans les autres régions. Même type de temps pour la suite de la semaine et probablement le week-end. L'été est donc encore loin d'être terminé. Le prochain rendez-vous d'info est à 9h et tout de suite, le son dance floor est de retour sur Fun Radio avec Tiesto et John Legend. Fun. Fun Radio. Summer Fun. C'est du son dance floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Tiesto et John Legend. Summer Nights. Les sons dance floor. En premier, c'est sur Fun Radio. Fun. Fun. Radio. Radio. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. About to go down, baby. It wasn't just a dream. I guess it's meant to be. I got to tell you right now, baby. Sur Fun Radio, bon réveil si vous sortez à l'instant du lit. Dans quelques petites secondes, c'est mon coup de cœur du moment. C'est la danoise Mo que je vous cale sur Fun Radio avec son titre Final Song. Je vous rappelle rapidement le principe du Battle Fun, très simple. On vous diffuse un extrait qui a été modifié par notre réalisateur Étienne. Le principe, votre mission, retrouver le nom d'artiste ou encore le titre de ce tube qui a été modifié. Écoutez, c'était le Battle Fun du jour. Et Mathias a participé avec nous par SMS. Et Mathias, je peux te le dire, tu as la bonne réponse. Comment ça va bien ce matin? Ça va bien, c'est bien. Tu habites du côté d'Ath, tu as 24 ans. Et ce matin, eh bien, tu as retrouvé ce titre, le meilleur ami de Patrick l'Étoile de Mer. Il est beau gosse, son nom est composé de 3 lettres. Et puis c'est un DJ français, fais-nous rêver, de qui s'agit-il? Bob Sinclair. Le Bob Sinclair, bonne réponse Mathias, je t'envoie directement. Et t'es place de signer à la maison, bravo. Avec la correction qu'on écoute en même temps et son titre Rock This Party qu'on s'écoutait sur Fun Radio. Mathias, je t'envoie tout ça à la maison, des places de ciné que tu vas pouvoir évidemment des places de ciné avec lesquelles tu vas pouvoir profiter des plus beaux films du moment, comme notamment Le Correspondant, le nouveau film de Jimmy Labeu qui vient de sortir. Je te le conseille franchement parce qu'il cartonne. Jimmy Labeu qui en plus sera en interview demain matin chez nous dans Summer Fun, car aujourd'hui sort officiellement le film Le Correspondant. Je te fais des bisous Mathias, à très bientôt. Merci Fun Radio, merci. Merci Fun Radio. Et puis d'ailleurs vous aussi les amis, j'ai des places à vous offrir pour aller voir Le Correspondant si vous avez envie d'aller voir ce tout nouveau film de Jimmy Labeu avec Sylvie Testeux et Charles Berling. Pour tenter votre chance, vous envoyez signer dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message, avec évidemment pourquoi pas le code de Jimmy Labeu, et je vous envoie tout ça à la maison. Ce sera à gagner aux alentours de 9h15. Bonne chance. Avant ça, c'est Deoro et Kavil Crespo qui arrivent sur Fun Radio ainsi que moi et Final Song à 8h38 ce matin. I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Ooh. But when you're gone, the music goes. h 41 sur Fun, la journée démarre ensemble où que vous soyez en Belgique avec le duo Deoro Elvis Crespo Bailar. C'est ce que je vous réserve dans quelques petites secondes. Le temps pour nous de parler d'un personnage un peu particulier qui a prévu un tour du monde en 9 mois. Il s'appelle Alexandre, il est avec nous ce matin. Comment ça va Alex? Bonjour Antoine, bonjour tous les auditeurs, bien et toi? Bah écoute, très très bien. On t'a invité ce matin parce que tu as organisé un tour du monde à 21 ans, mais un tour du monde qui est en plus super spécial, tu vas nous en parler aujourd'hui. Comment ça t'est venu cette idée de partir 9 mois sur les routes? En fait, ça m'est venu tout bêtement où y a deux pays que je voulais absolument faire, c'était les États-Unis et l'Australie. Ouais. Et ensuite, par rapport à ça, je me suis dit, j'ai envie de m'investir vraiment à l'étranger, j'ai envie d'être proche de la population, les aider à différents niveaux. Et je me suis dit, il y a deux pays qui m'intéressaient aussi, l'Indonésie et la Thaïlande. Et je me suis dit, tu vas faire les deux pays que tu rêves vraiment de visiter. Et en même temps, tu vas en faire deux autres en plus. Parce que le but un peu original justement de ce tour du monde, c'est qu'une fois sur place, tu vas pas de la couler douce à te mettre sur la plage et à faire du shopping. C'est que tu vas bosser pour financer ce voyage. Et puis tu vas aussi rejoindre des associations. Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai vraiment décidé de m'investir, je vais dire, au niveau de la population. De pouvoir les aider à travers des projets, je vais dire, humanitaires et sociaux, et de pouvoir aussi faire, par exemple, en Australie, faire du job and travel pour financer justement mon voyage. La première question, peut-être que moi qui me vient, quand je pense à ça, comment on organise un tour du monde? C'est quand même un énorme projet. En fait, c'est un énorme projet, mais il y a aussi, je vais dire, des organisations qui sont spécialisées là-dedans et qui permettent justement, je vais dire, de donner des bases au projet et de pouvoir aussi permettre à la personne d'avoir moins de pression, mais aussi d'avoir certaines bases supplémentaires et de faciliter les démarches aussi. Donc par exemple, tu es aidé par une association qui est ici de Bruxelles? Oui, tout à fait. Ouais, en fait, c'est la WEP, c'est une organisation à la base spécialisée dans les échanges d'étudiants au niveau international. Et maintenant, ils se spécialisent aussi dans les tours du monde. Je pense que tout le monde ce matin se pose la question, partir 9 mois sur les routes en tour du monde, ça a un coût réel? Oui, c'est un montant assez important. Combien ça coûte comme ça, grosso modo, avant de partir? Ici, avant de partir, j'en suis un peu moins de 12 000 euros. Et toi, tu as trouvé un moyen plutôt sympa de financer justement ce voyage qui est, on peut le dire, humanitaire à moitié? Oui, c'est ça. Donc là, en fait, j'ai trouvé plusieurs moyens de financer mon voyage. Et en plus de ça, en parlant justement d'humanitaire, je soutiens aussi une association belge, une association pour une petite fille autiste, et qui permet justement aussi de m'investir, pas non seulement à l'étranger durant mon tour du monde, mais aussi chez nous. Mais aussi chez nous, tout en finançant mon projet, je finance l'association. Quelques mots sur l'association aussi peut-être? Donc là, en fait, Heather, c'est une petite fille, elle a été décelée autiste à l'âge de 3 ans, et aujourd'hui elle a 7 ans, et depuis en fait où la maman a fait l'association, on voit vraiment une évolution, je vais dire, de la petite fille au niveau la scolarité, au niveau évolution aussi, elle ne parlait plus, maintenant elle reparle tout doucement, et c'est vraiment une association, je vais dire, sérieuse. Elle est passée dans différentes émissions télé, c'est pour ça que j'ai désiré la soutenir. Et comment on peut te suivre, comment on peut soutenir tes aventures? Sur Facebook peut-être? Oui, tout à fait, donc j'ai une page Facebook, après je serai aussi sur Instagram et sur Twitter. Et aussi à partir de début septembre, lorsque je partirai justement pendant mon tour du monde, à ce moment-là j'aurai aussi un site internet où je vais faire mon journal de bord. Et, ah oui, donc chaque jour tu vas raconter un peu ce que tu fais avec des photos, des vidéos? Oui, c'est ça, sur Facebook ce sera les photos, les vidéos, et sur mon site internet ce sera mon journal de bord. Eh bien écoute, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin Alexandre, bonne chance effectivement pour ce voyage qui promet, j'en suis certain, d'être un peu exceptionnel. Vous avez envie de suivre Alexandre, ça se passe sur Facebook, sur la page, je vais essayer de le dire, Alex Antis World Tour, c'est ça? C'est bien ça. Ouais. Avec le nom en entier, je vous publie d'ailleurs dès maintenant la page, sur la page Facebook de Summer Fun. Dans quelques secondes, on parle de Qigong, c'est une pratique chinoise qui permet de se détendre, on en parlera avec la directrice de son école bruxelloise, et côté son dance floor, on aura le tout nouveau The Weeknd, Felix Jane ainsi que Deoro et Bailar sur Fun. Chérie, t'as mis le réveil? Oui, 4h du matin. Oh, génial. Bonne nuit. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais de votre supermarché. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très wow. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouer au loto. Ici la voix. Secret Story est de retour. Soyez les bienvenus dans Secret Story. À partir de vendredi, 23h50, sur Plug RTL. C'est tout pour le moment. Plug RTL. This is Fun Radio. Fun Radio. Only station. Le son dance floor. Dance floor. So hard to think about what we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water, why

Now I close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. The bitches lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Bon réveil, sur Fun, on démarre la journée ensemble à 8h54 avec dans quelques petites secondes le titre de The Weeknd, Can't Feel My Face. Tu connais? Tu connais pas? C'est le What Is That sur Fun Radio. Et aujourd'hui dans le What Is That du jour, nous rencontrons Dominique Jacquemet. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien. Alors on va parler avec vous d'une technique et d'une école qu'on ne connaît pas spécialement ici en Belgique, c'est le Qigong. Oui, c'est bien ça, donc le Qigong. C'est une pratique ancestrale, c'est un travail du corps, de la respiration et de l'esprit. Et vous êtes justement une des directrices de cette école. Tout à fait, mon nom est Dominique Jacquemet, donc je pratique le Qigong depuis très longtemps, donc je suis professeure et j'ai été formée en Chine à l'université de Shanghai, notamment en médecine chinoise. Ça c'est une particularité qui est très intéressante justement, c'est que vous avez été formée sur le tas là-bas en Chine. Absolument. Et qu'est-ce que vous proposez dans votre école alors, dites-moi? Alors donc nous proposons des cours, donc des journées découvertes, aussi des stages, notamment en Bretagne. Et voilà, c'est une occasion de s'occuper de soi. Ça permet de se détendre et de se relaxer, c'est ça, cette technique? Oui, absolument. Et ici, l'avantage, c'est que c'est une pratique ancestrale, donc millénaire, donc chinoise, qui a vraiment fait ses preuves dans le temps. D'ailleurs, on peut voir en Chine, donc dans les parcs, des personnes faire ces mouvements. Et puis Dominique, faites-nous rêver un petit peu, c'est quoi cette particularité des mouvements? Eh bien, les mouvements de Qigong, l'intérêt, c'est que vraiment, ils se font dans la détente et aussi sur la respiration. Donc chaque mouvement est coordonné à la respiration. En fait, c'est une pleine présence de chaque instant dans le mouvement. Et Dominique, ce matin, comment pourriez-vous séduire notre public? Quels sont les petits éléments qui pourraient faire qu'on a envie de venir vous voir? Ben, c'est surtout de prendre soin de soi, se relaxer, ou puis s'occuper de son corps, et de travailler dans l'harmonie, la fluidité du corps, et surtout sa santé. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que vous proposez des portes ouvertes à la rentrée. Absolument. Donc, à partir de la rentrée, c'est à partir du 1er septembre. La première semaine, nous pratiquons normalement, comme les cours habituels. Et ensuite, les portes ouvertes se feront sur 3 jours. Donc, le samedi 10, le mardi 13 et le jeudi 15. Et un site internet, une page Facebook sur lesquelles on peut retrouver toutes les infos? C'est Qigong. Le site internet Qigong, Qigong-Bruxelles.be. Donc évidemment, vous êtes invité gratuitement à venir découvrir cette méthode. Et il y a également une journée de découverte le samedi 18. Eh bien, un grand merci à vous Dominique. On retrouve tout ça évidemment dès maintenant sur notre page Facebook Summer Fun. Le site, je rappelle, c'est Qigong, Qigong-Bruxelles.be. Vous allez pouvoir vous aussi découvrir toutes les particularités de cette école plutôt originale. Merci beaucoup Dominique, à très bientôt. Merci. Bonne journée. Et on parle relaxation toute la semaine sur Fun Radio, car je vous envoie direction les termes de Grimbergen pour profiter de vos soins détente pour deux personnes. Alors pour tenter votre chance, vous envoyez beauté par SMS au 6322 pour 1€ le message. Je vous appelle juste après The Weeknd et Can't Feel My Face sur Fun. we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm. She'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry. Ne bougez pas, le son dance floor continue toute la journée sur Fun Radio avec dans quelques secondes Matcon, Kenjo ou encore Galantis et No Money. Et soyez les bienvenus, il est 9h. Fun Radio. Et à 9h01, comme tous les jours, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. La terre a tremblé cette nuit en Italie. Le bilan provisoire est diffère selon les sources, mais au moins 6 personnes ont perdu la vie dans ce tremblement de terre. De magnitude 6 survenue aux alentours de 3h30 dans le centre de l'Italie. 2 personnes ont été tuées dans l'écroulement de leur habitation à Pescara. Plusieurs autres villages ont été partiellement détruits et des habitants ont été bloqués sous les décombres. L'onde de choc de tremblement de terre a été ressentie dans plusieurs régions. Plusieurs répliques ont suivi ce séisme, dont une ressentie vers 4h30 à Rome, faisant trembler le palais de la ville éternelle. Un précédent séisme également ressenti en pleine nuit dans la capitale italienne avait fait plus de 300 morts dans la région de L'Aquila dans le centre de l'Italie en avril 2009. Chinois Charleroi, les deux policières agressées à la machette lors de l'attentat perpétré le 6 août dernier ont quitté l'hôpital. Elles devront encore subir des interventions mais comptent reprendre le travail le plus rapidement possible. Le 6 août, Khaled Babouri, un Algérien en séjour illégal, s'était présenté à l'hôtel de police de Charleroi et avait immédiatement sorti une machette de son sac à dos pour frapper deux policières en faction. L'intervention d'une troisième policière avait été nécessaire pour neutraliser l'individu décédé des suites de ses blessures. Avec les températures qu'on annonce et qui devraient encore atteindre les 30 degrés aujourd'hui, la phase 2 du plan chaleur est activée. Il faut s'hydrater et être attentif si un proche présente des symptômes d'un coup de chaleur, une fatigue anormale, des crampes musculaires ou une température corporelle en hausse sont autant de symptômes à surveiller. Un numéro de téléphone info canicule a été créé. N'hésitez pas à former le 02 775 75 75 pour toute question relative aux fortes chaleurs.

you to go.